Qu'est-ce que le vide ? A priori, c'est une question assez simple. Le vide, c'est quand il n'y a rien. Ou au moins, pas de matière. Mais peut-être un peu de lumière, voire de l'énergie. En tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Depuis les origines antiques et ce dont la nature a horreur jusqu'au vide quantique, et ces paires de particules, antiparticules qui existent un peu, mais pas tout à fait, Étienne Klein, après avoir longtemps phosphoré sur le temps, s'attaque à ce qui est sans être tout à fait et s'en prend au vide par le biais de l'histoire des sciences, de la philosophie, mais surtout, et peut-être avant tout, du langage. Étienne Klein, l'appel du vide, c'est le programme bien rempli qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Bonjour Étienne Klein, faut-il encore vous présenter aux auditeurs de France Culture ? On va le faire tout de même, sait-on jamais. Physicien, docteur en philosophie des sciences, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA et last but not least, producteur de la conversation scientifique. Chaque samedi à 16h sur France Culture, on va se retrouver dans quelques petites minutes puisque avant de faire un grand saut dans le vide, nous restons quelques minutes encore dans le plein, voire le trop plein peut-être, de l'actualité scientifique et de la recherche avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la présentation du budget 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sur le document officiel, il est dit que le budget de la recherche est sanctuarisé. Sanctuarisé, ça veut dire qu'il ne baisse pas. En 2020, il atteindra 25,49 milliards d'euros et le gouvernement annonce une hausse de 500 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Quand on regarde dans le détail la répartition au sein du ministère de Frédéric Vidal, on voit que le gros du budget est alloué à l'enseignement supérieur, 13,5 milliards d'euros. Pour la recherche scientifique, c'est un peu moins de 7 milliards et pour le spatial, c'est 2 milliards d'euros. Sylvestre Huette est journaliste scientifique indépendant. Depuis plusieurs années, il analyse les budgets de l'État. Ça représente quoi, 500 millions d'euros en augmentation de moyens véritables ? En réalité, même si c'était des vrais 500 millions d'euros accordés à la recherche publique, ça serait une augmentation de 2% sur un an. C'est-à-dire qu'on est à un poil près à l'inflation. En euros constants, il n'y a donc absolument aucune augmentation de moyens. La vérité, c'est par exemple que, pour prendre l'université, comme il y a une augmentation du nombre d'étudiants, du coup, quand on a des budgets pour les universités, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de les diviser par le nombre d'étudiants pour voir si on augmente réellement les moyens. Or, ce qu'on observe, c'est que, en réalité, depuis plusieurs années, les budgets disponibles par étudiant sont non pas en augmentation, mais en diminution. Et c'est pas seulement les budgets qui sont en diminution par étudiant, c'est aussi les personnels. Madame Vidal se félicite du fait qu'elle ne supprime pas d'emplois dans les universités. Encore heureux, comment pourrait-on s'en sortir en augmentant le nombre d'étudiants et en diminuant le nombre d'universitaires ? Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche apparaît quand même comme le quatrième budget de l'État. Oui, notre principal organisme de recherche, le CNRS, a vu ses effectifs diminuer de 1200 personnes depuis 2010 et que ce formidable budget de recherche va lui permettre de recruter 250 chercheurs en 2020 alors qu'en 2010 il pouvait en recruter 400. Donc on est vraiment dans une présentation publicitaire. Le fait que ça soit le quatrième budget de l'État ne dit absolument rien de son niveau. Et on passe au bref. Des chercheurs californiens viennent de mettre au point un nouveau système de surveillance. Il est désormais possible d'identifier une personne en train de marcher derrière un mur. Un peu comme pour nos empreintes digitales, la façon que nous avons de bouger est unique. Ce nouveau système d'identification fonctionne à partir des ondes Wi-Fi. À partir d'un émetteur et d'un récepteur Wi-Fi placé derrière un mur, les ondes reçues sont mesurées. La marche de la personne derrière les parois est analysée, puis comparée à des vidéos préexistantes. Alors sur les 1500 tests effectués, le X-Model ID montre un taux de précision de 82 à 89%. Il est aussi capable de fonctionner dans une infrastructure Wi-Fi déjà existante. Selon un sondage paru dans Nature, les deux tiers des chercheurs confient avoir déjà ressenti une pression à citer dans leurs études. Une question a été posée à 4300 chercheurs. Avez-vous déjà ressenti la pression de vos pairs examinateurs pour citer des études apparemment superflues dans vos travaux? Pour 62% d'entre eux, la réponse est oui. Dans l'édition scientifique, c'est ce qu'on appelle la citation coercitive. C'est quand un comité de lecture force un auteur à citer dans son étude l'un de ses articles avant d'accepter de le publier. On le sait, le nombre de références à une revue est un des critères d'évaluation et de hiérarchisation. Selon les dernières enquêtes sur ce type de pression, cette pratique serait à la hausse. Et enfin, selon une étude parue dans PNAS, l'orgasme féminin pourrait être un ancien réflexe ovulatoire. L'orgasme féminin reste un mystère car, contrairement à l'orgasme masculin, il ne tient aucun rôle dans la reproduction. Pour ces biologistes américains, ce réflexe neuro-endocrinien est beaucoup trop complexe pour n'être qu'un simple accident de l'évolution. Pour cette étude, 21 lapines ont été examinées, 12 d'entre elles ont été traitées à la fluoxétine, commercialisé sous le nom de Prozac, et qui réduit la capacité à jouir. Celles sous antidépresseurs ont libéré 30% d'ovules en moins par rapport aux autres. Les chercheurs montrent que chez les femelles, l'orgasme permet une poussée hormonale qui favorise l'ovulation. Ils suggèrent que les premiers mammifères utériens, nos lointains ancêtres, ovulaient sûrement de cette façon. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences du vendredi avec une partie du journal de la science-fiction et puis toutes les études comme d'habitude et les journaux des sciences précédents, vous pouvez retrouver ça sur le site du journal des sciences et de la méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Je me retourne vers vous Étienne Klein, après avoir consacré plusieurs années et plusieurs ouvrages à la question, aux questions d'ailleurs devrais-je dire, ce serait un peu réducteur de dire qu'il n'y en a qu'une du temps. Vous changez maintenant, aujourd'hui, d'objet d'étude dans votre nouveau livre, ce qui est sans être tout à fait, Essai sur le vide, c'est aux éditions Actes Sud. Alors évidemment, pour commencer, Étienne, vous avez bien sûr remarqué que vide, à une pointe près, c'est une anagramme de Dieu. Exactement, mais c'est pas la raison profonde de ma motivation. Je pense que c'est plutôt ça a à faire avec le langage, comme vous l'avez souligné, parce que comme vous, j'essaie de transmettre des connaissances scientifiques. Il y a comme ça des mots très très anciens, le mot temps, le mot vide, le mot espace, le mot matière également, qui font partie du vocabulaire de la science et qui en même temps apparaissent dans des textes très anciens. Et il y a une sorte de fixité du langage. On dit toujours les mêmes phrases à propos du temps qui passe, à propos du vide, etc. La nature horreur du vide. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut dire par le langage ce qui a été modifié par les révolutions scientifiques au cours des âges? Parce que ce qu'on met derrière le mot vide, c'est un peu comme ce qu'on met derrière le mot temps, ça n'a cessé d'évoluer au gré des révolutions scientifiques. Moi qui voulais vous coincer sur une sorte de mystique du vide, je sais, c'est raté. Est-ce que cet essai sur le vide, ce qui est sans être tout à fait, c'est votre Madame Bovary à vous, Étienne Klein? En tout cas, c'est le livre le plus resserré que j'ai écrit. Il n'y a pas de circonvolution, il n'y a pas de détour. En tout cas, je peux pas dire que j'aime le vide, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Non, mais c'est parce qu'il y a cette épigraphe de Flaubert dans cette lettre à Louise Collet qui parle de son grand roman qui va être Madame Bovary et qui est ce qui me semble beau, c'est que je voudrais faire, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible si cela se peut. Qui aurait le moins de matière possible. Et en fait, c'est effectivement un livre dans lequel j'ai essayé d'éliminer tout gras ontologique. C'est un livre sans graisse. Alors, le vide après le temps, la question évidemment qu'on se pose quand on vous lit, Étienne, c'est de savoir si finalement vous n'avez pas une sorte de tentation, c'est pas d'une sorte d'épistémologie métaphysique de la physique. Non, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est que je pense que ce que nous apprend la physique n'est pas déjà dit dans le langage. Et donc, si on veut dire par des mots ce qu'on apprend sans les mots, il faut faire un travail du langage pour creuser une langue étrangère au sein même de la langue afin de créer des espaces neufs grâce auxquels on va pouvoir dire les nouveautés qui nous viennent de la science. Et donc ça revient à faire ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Ça n'a rien de métaphysique, ça permet simplement de mieux se comprendre quand on parle. Oui, mais on va revenir là-dessus parce que effectivement, on va voir que, comme souvent quand on vous écoute, quand on vous lit, le langage a une part essentielle, prépondérante dans ses travaux et dans ses jeux de l'esprit entre les sciences, la linguistique, l'épistémologie, la philosophie autour du vide. Mais tout de même, la question qui m'est venue aussi à l'esprit en lisant votre ouvrage, c'est de savoir si vous avez fait le tour du temps, Étienne Klein ? Non, j'ai pas fait. Ce serait trop prétentieux de le prétendre, mais je pense que justement la question du temps patine par le fait que il y a justement des problèmes de définition et de langage. Quand vous entendez un physicien dire le temps n'existe pas, ça veut dire que dans les équations qu'il manipule, ce qu'il conçoit être le temps n'a pas d'écho. Et donc si c'est pas dans la théorie, c'est que le temps auquel on pense est une illusion. Mais pour pouvoir dire que le temps n'existe pas, il faut précisément savoir ce qu'il est pour être capable de reconnaître son absence dans les équations. Oui, mais donc, ça on pourrait le dire du vide. C'est très similaire finalement comme objet. Exactement, c'est pour ça que j'ai changé de sujet. Mais c'est la même question qui se pose. Et pour ne rien vous cacher, j'ai pas complètement abandonné la question du temps, puisqu'avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, nous allons organiser à Cerisy-la-Salle au mois de septembre un colloque de septembre prochain 2020 qui s'intitule « Les autres noms du temps » et on demande à des spécialistes de toutes les disciplines, philosophiques, scientifiques, de faire des exposés dans lesquels ils raconteront ce que leur discipline permet de savoir en essayant de ne pas utiliser le mot « temps » pour voir s'il n'y a pas d'autres mots qui diraient plus précisément ce qu'ils ont à dire et éviter une sorte d'inflation de l'usage de ce mot dans la langue moderne. Là aussi, on va voir dans quelques minutes, quand on en reparlera, que ce que vous décrivez à propos du temps, on le retrouve dans votre interrogation autour du vide et autour finalement des avancées scientifiques et de la fixité du langage. Mais on y reviendra dans un instant. Ce que je trouve aussi, c'est que quand on lit cette histoire du vide, hein, où on part évidemment de l'Antiquité, on arrive jusqu'au présent, en passant par Newton, en passant par Pascal, etc., c'est que il y a une sorte vraiment de point commun dans ce qu'on pourrait appeler, si vous me l'autorisez, mais enfin, vous allez me corriger, de problèmes épistémologiques non résolus, avec une entité qui est très compliquée à appréhender, qui va être appréhendée petit à petit, pas à pas, par la physique, finalement pour être complètement démontée, puisque aujourd'hui la physique quantique nous dit que le temps n'existe plus, ou n'a plus de réalité quasiment, en tout cas, de même que finalement la mécanique quantique nous dit que le vide n'existe plus. Donc on a l'impression que c'est quasiment la même démarche en fait. Est-ce que ce serait un système, une méthode ? Oui, c'est-à-dire que les mots restent les mêmes, mais ce qu'on met derrière ne cesse de changer. Et on peut se livrer d'ailleurs une expérience qui permet de comparer la question du temps à la question du vide. Prenez le texte de saint Augustin qui s'appelle Les Confessions, écrit au 4e siècle après Jésus-Christ. Il y a un chapitre qui s'appelle Le Temps, qui est magnifique, que vous pouvez lire aujourd'hui en 2019, et vous allez comprendre exactement ce que dit saint Augustin. Or, depuis saint Augustin, il y a eu des gens comme Galilée, Newton, Einstein et quelques autres qui ont profondément modifié notre façon de comprendre le temps, sa relation à l'espace, à la matière, etc. Donc si on avait tenu compte de ce qu'on a pu apprendre par la physique, on ne pourrait plus comprendre ce que saint Augustin a dit du temps. Or la vérité, c'est que nous parlons comme saint Augustin. Ça veut dire qu'il y a une sorte de fixité du langage qui charrie avec elle une sorte de métaphysique du langage quotidien qui détermine en grande partie notre façon de penser le temps comme le faisait saint Augustin sans se préoccuper des connaissances acquises par les physiciens. Et le vide, c'est pareil. Par exemple, vous regardez Démocrite, penseur grec du 5e siècle, qui a écrit beaucoup de livres qu'on a perdus, mais il y a quelques fragments qui nous restent. Et le plus connu, c'est celui qui dit « Il n'existe dans l'univers que des atomes et du vide ». Quand vous voyez le mot « vide », vous rétroprojetez ce que vous savez du vide dans ce qu'il pense, alors que lui, à cette époque, ne pouvait pas penser l'espace vide comme l'a pensé Newton, par exemple. Mais Démocrite, il utilise quel mot pour parler du vide ? Justement, moi je me suis fait avoir, j'ai découvert ça en faisant ma petite enquête. Il n'a jamais utilisé le mot vide, il utilise le mot médène, qui veut dire le non-être en grec ancien. Et Aristote, quand il parle de Démocrite, il utilise un autre mot grec qui est kénon, qui veut dire le vide. Donc Démocrite, qui est présenté comme un penseur de l'atome et du vide, en fait n'a pas pensé le vide tel qu'on l'a conçu par la suite. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons du vide. Une conversation bien pleine avec Étienne Klein pour la sortie de cet essai sur le vide, ce qui est sans être tout à fait, on redira d'ailleurs un mot de ce titre qui est assez passionnant, c'est chez Actes Sud. Alors on va pas refaire cette histoire du vide complètement, mais je vais saisir quelques instants de cet essai qui je trouve sont intéressants. On va vous renvoyer vers, nous avions déjà discuté un peu du vide dans cette émission, on vous met les liens sur le fil Twitter @laméthodefc. Alors ça commence, Étienne Klein, par un prologue avec une histoire on pourrait penser sortir d'un, je sais pas, d'un pénac ou d'un roman comme ça un peu. Je vais en lire quelques lignes et vous allez nous raconter ce prologue. Il est des voisines avec lesquelles il fait bon voisiner. Ce matin-là, je devais avoir ma tête de turbo-gédéon fatigué quand je croisais dans le hall de mon immeuble Aladine. auprès de laquelle j'aimais bien m'attarder. Je m'en quitte sa santé, que je savais oscillante et fragile. Tout va presque pour le mieux, me répondit-elle avec un sourire paisible qui voulait alléger ce presque. Cette grand-mère me touchait par son élégance, sa sobriété rayonnante, mais bientôt son regard me fixa et se fit grave. « Étienne, vraiment, vous devriez apprendre à faire le vide. Vous verriez la vie d'un autre œil. » Cette phrase, apparemment banale, allait avoir un effet radical. Oui, parce que bon, Aladine, je lui ai dédié le livre, Aladine Lacroix, qui est morte pendant la période où je rédigeais ce livre. Et ce matin-là, elle m'a en effet dit « Vous devriez apprendre à faire le vide ». Et ça fait tilt, parce que j'avais déjà un peu écrit sur le vide dans un livre précédent. J'avais m'étais rendu compte que c'était une question non résolue. Enfin, il y avait encore des problèmes. Mais je les avais laissés de côté. Et le fait qu'elle m'ait dit cette phrase a fait tilt. Et je me suis demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire faire le vide ? Est-ce que c'est faire... de la méditation, est-ce que c'est le contraire de faire le plein, est-ce que c'est se reposer, est-ce que c'est se débarrasser de choses embêtantes dans son emploi du temps. Et puis de proche en proche, ça m'a remis en selle pour revenir à cette question et l'approfondir davantage. C'est un épisode réel, on se le dit entre vous et moi, parce que ça a l'air tellement avec ce personnage, avec ce nom qui est presque Bowie-esque. Mais c'était une vieille dame que je rencontrais régulièrement, elle habite au troisième étage sur rez-de-chaussée, donc je la croisais très souvent. Et à chaque fois, on avait des discussions sur toutes sortes de sujets, et on n'a même pas vraiment besoin de se dire bonjour, on reprenait la discussion de la veille. C'est intéressant parce que quand on lit cet essai, alors on a l'impression, en fait j'ai eu l'impression, c'est assez personnel, mais parce que je vous connais aussi un petit peu Étienne par ailleurs, que ce qui vous séduit le plus, plus que l'objet ou le non-objet, on va définir tout à l'heure, on va reparler de ce que c'est ou que ce n'est pas, cette entité physique ou sa compréhension au fil de l'histoire du science, on a l'impression que ce qui vous intéresse, c'est le concept qui se cache derrière et de la façon qu'on devrait avoir par le langage de le définir. Bah c'est très juste, vous m'avez bien percé, si j'ose dire, mais il y a aussi une composante qu'on peut ajouter qui est le paradoxe. J'aime bien déceler des paradoxes parce que je pense que les paradoxes sont le moteur de la réflexion. Et en l'occurrence, il y a des dictionnaires qui définissent le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé. Or, si on enlève absolument tout, il ne reste plus rien. Donc si on pense que le vide c'est quelque chose, c'est-à-dire si le vide n'est pas rien, se distingue du néant, alors il ne doit pas être retiré pour faire le vide. De sorte que la définition devrait être modifiée de la façon suivante. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc on a une définition qui est circulaire, et pour préciser les choses, il n'y a pas d'autre solution que d'en passer par une théorie physique qui dit ce qui est, parmi ce qui est, ce qu'on peut retirer, ce qu'on ne peut pas retirer, et ce qui restera, qu'on ne peut pas retirer, c'est ce qu'on appellera le vide. D'où l'idée qu'il y a autant de vide qu'il y a de théorie physique de référence. Mais alors, ce postulat, il parle... D'un présupposé que vous maintenez tout au long de cet essai et qui, moi, finalement, m'interroge. Pourquoi est-ce que vous dites s'il ne reste plus rien, c'est le néant? Mais pourquoi est-ce que le néant, ça ne pourrait pas être le vide? Ça a été le vide. C'est-à-dire que chez les Grecs, le médène, le néant, est assimilé au vide. Enfin, il y a des traductions qui font comme si ces deux mots étaient synonymes. Donc la distinction entre vide et néant, elle est très tardive, elle est difficile à dater de façon précise. Mais j'ai trouvé une lettre, par exemple, de Léonard de Vinci, donc fin 15e siècle, dans laquelle il explique à l'un de ses amis la différence qu'il y a entre le néant et le vide. Il dit que le vide ne se conçoit pas sans l'espace. Donc on ne peut pas penser le vide sans l'associer à un volume. Alors que dans le néant, il n'y a rien, même pas d'espace. Et je pense que le fait que le vide soit doté d'une dimensionnalité, d'une extension spatiale, c'est ce qui va le distinguer du néant. Et la question du vide, par exemple, au XVIIe siècle, dans le débat que Blaise Pascal va avoir avec le Père Noël... Bon, c'est pas le Père Noël. Le jésuite, hein, voilà. C'est un jésuite, le révérend Père Noël, qui est le recteur de la Compagnie de Jésus, qui a écrit un livre qui s'appelle La plénitude du vide, titre intéressant, qui défend, lui, l'idée que dès qu'il y a de l'espace, il y a de la matière, parce que Dieu ne peut pas avoir laissé un espace sans aucune matière, parce que Dieu n'a rien créé qui soit stérile. Et donc, l'idée que le vide a une dimensionnalité que le néant n'a pas, c'est la grande démarcation entre les deux concepts. Mais on entend, hein, même là, dans ce que vous nous dites, qu'il y a un vrai plaisir, qu'il y a une vraie jouissance à manipuler cet objet, à le manipuler dans sa polysémie, à le manipuler... Mmh. Vous dites quelque chose, alors voilà, une question que je voulais vous poser. Vous dites que le vide est l'un des plus anciens mots de la langue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, il est très ancien. Il a au moins le même âge que le mot « temps ». Mais de quelle langue? Grec en l'occurrence, et puis il a eu des traductions dans toutes les autres langues. Donc, on parle du vide aussi dans des langues que je maîtrise mal, comme les langues asiatiques. Et d'ailleurs, il y a le même problème de traduction que pour Démocrite. Quand vous traduisez un mot du japonais ou un mot des textes bouddhiques sous la forme vacuité ou vide, vous projetez dans la pensée de l'auteur qui a écrit la phrase contenant ce mot, votre propre conception du vide. Or, la sienne est peut-être complètement différente. Et donc, j'ai pris conscience, en travaillant sur ce concept, des difficultés engendrées par les problèmes de traduction. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à la lecture, une fois de plus, de cet essai, qui est un peu présenté, c'est-à-dire que vous dupez un peu votre lecteur, Étienne, parce que quand c'est un peu présenté comme un essai qui va parcourir les conceptions et l'appréhension du vide par la science sur le fil de son histoire, mais en fait, on a l'impression que c'est surtout un jeu, une façon de tourner, de voir sous différents angles, sous prétexte de faire une histoire scientifique du vide, de jouer avec ce concept en parallèle de l'histoire des sciences. Alors je joue avec, mais pas seulement, c'est pas qu'un jeu, parce que par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que le XVIIe siècle a été un moment qui a coupé l'histoire du vide en deux. Il y a un avant, un après. Avant, il y a des discussions philosophiques, théologiques sur le fait que la nature a horreur du vide, et on argumente à partir de ce qu'a dit Aristote, par exemple, ou bien aussi à partir de l'explication de certains phénomènes. Les Grecs avaient remarqué qu'on peut facilement faire glisser une plaque de métal plane et lisse sur une autre plaque de métal. Ça glisse facilement, mais si on veut les écarter, il y a une résistance très forte qui empêche de le faire. Comment expliquer cela? Eh bien, en disant que la nature a horreur du vide, et si on écarte les plaques, du vide apparaît, la nature demande aux deux plaques de résister à ce mouvement pour empêcher que le vide qui pourrait apparaître se manifeste. Et donc, il y a toutes sortes d'explications, y compris théologiques, et c'est impossible de trancher la question de façon positive. Et ce qui va se passer au XVIIe siècle, avec les travaux de Galilée repris par Blaise Pascal et d'autres, ça va être de régler la querelle du vide, comme on l'a appelé, très rapidement, en disant une certaine forme de vide existe, grâce aux expériences faites par Torricelli en Italie, refaites par Pascal, l'ascension du Puy de Dôme par son beau-frère qui s'appelait Perrier, parce qu'il voulait vérifier que la pesanteur de l'air diminuer avec l'altitude. Et là, il y a eu un renversement de l'explication. C'est pas qu'un jeu. C'est que la façon de comprendre un grand nombre de phénomènes a été complètement bouleversée. Par exemple, quand vous aspirez du jus d'orange avec une paille, ce n'est pas le vide. Comment est-ce qu'on expliquait la chose avant en disant, on aspire dans la paille, ça crée du vide dans la paille. La nature, qui a horreur du vide, demande au liquide, le jus d'orange ou l'eau, de monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Et après Torricelli, c'est tout à fait autre chose. On dit qu'il y a une pression, une pesanteur de l'air, là, ce qui deviendra la pression atmosphérique, et que c'est elle qui pousse le liquide vers le bas, le liquide qui est dans le verre, et ça fait monter le liquide dans la paille, qui a subi une dépression du fait que vous avez aspiré en elle. Donc il y a quand même là quelque chose qui fait que on ne peut plus parler du vide après cette expérience comme on le faisait avant. Et ça, c'est, on va vous renvoyer effectivement à toute cette histoire du vide, Pascal, la pression atmosphérique, tout ce que vous venez de raconter. Il faut quand même lire le texte de Blaise Pascal sur ce qui se passe quand un nourrisson tète la mamelle de sa nourrice. Je vous laisse nous en dire. Là, il explique, il dit, voilà, je peux le citer d'ailleurs, il dit, on aspire, on dit que le nourrisson aspire le lait, il aspire rien du tout, il crée une dépression dans sa bouche, et c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le sein qui fait sortir le lait. Donc il a compris qu'on ne pouvait pas téter un sein en altitude. Et donc l'itinéraire qui est le vôtre dans cet essai, c'est effectivement ce que vous expliquiez tout à l'heure, sur lequel on peut peut-être revenir un instant, c'est l'idée que, je vous cite, un déphasage s'accroît entre ce qui est communément dit et ce qui est nouvellement su. C'est-à-dire que plus on s'approche du vide et plus sa description, plus ce mot-là, finalement, perd son sens. En fait, en disant cela, je ne fais que reprendre des mots qui ont été écrits par Lavoisier, quelque temps avant qu'on le guillotine, dans son traité élémentaire de chimie, dans le discours préliminaire, donc l'introduction en quelque sorte, il écrit ceci, « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Et donc vous voyez que si vous voulez transmettre les connaissances qui viennent de la physique, vous devez prendre acte du fait que ce que nous appelons le vide n'est pas la même chose selon qu'on prend comme référence la physique quantique, dont vous avez parlé, le vide quantique, on va reparler dans quelques minutes, ou selon que vous prenez comme référence le vide de la relativité générale, qui est la théorie d'Einstein de la gravitation. Donc on fait comme s'il y avait un seul mot pour désigner des choses différentes, alors qu'en réalité, il y a plusieurs vides qui cohabitent dans les formalismes, et ça c'est difficile à croire, parce que s'il y a plusieurs vides, ça veut dire que l'un d'entre eux contient les autres, donc il n'est pas vide. C'est, voilà, c'est ce pourquoi vous plaidez d'ailleurs avec Paul Valéry, pour un nettoyage de la situation verbale, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais ça veut dire que finalement, quelle serait la solution ? Est-ce que ça veut dire que vous plaidez in fine pour une forme de néologisme, pour une nouvelle forme d'adjectivation ? Comment est-ce qu'on décrit ces différents vides ? Comment est-ce qu'on les circonscrit ? Non, il ne faut pas non plus faire une police de la pensée ni du langage. Simplement, quand vous parlez du vide, vous précisez de quoi vous parlez exactement. Si la méditation, c'est faire le vide en soi, de quelle vide parle-t-on, par exemple ? Alors, dans ce parcours historique, on l'a dit, on a parlé de la nature qui a horreur du vide, on part d'Aristote, de Démocrite. Vous avez parlé de la controverse entre Pascal et Descartes, puisque, évidemment, le vide, c'est aussi le vide de Dieu. Descartes, c'est important. Il y a tout de même, il y a aussi une mystique du vide. Absolument, une théologie du vide qui était assez forte. Et le Père Noël dont on parlait tout à l'heure a une correspondance avec Blaise Pascal qui porte un peu là-dessus. Et Blaise Pascal explique dans une de ses lettres que on peut pas constamment argumenter. De temps en temps, il faut faire des expériences et c'est elles et seulement elles qui pourront trancher la question. Il est presque popperien avant l'heure, Blaise Pascal. Et il termine sa lettre en disant « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Donc il a un statut intermédiaire entre le néant pur et puis la matière telle qu'elle se présente à nous. Et ça, c'est une assez bonne définition du vide quantique. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant chez Blaise Pascal, c'est quand il fait ses travaux sur le vide, il a 23 ans. Et il marque bien dans ses lettres la distinction qu'il fait entre le vide et le néant. Et puis un peu plus tard, il va écrire les pensées, il va parler de l'ennui, l'expérience du vide. Et quand il parle de l'ennui, il emploie parfois le mot néant, parfois le mot vide, comme s'ils étaient presque synonymes, alors qu'il les avait distingués quand il parlait du vide, disons, physique. Et donc c'est assez étonnant que celui qui a montré que le vide peut exister physiquement est aussi celui qui a pensé que l'homme avait horreur du vide et noyait sa vacuité dans le divertissement. Le fameux divertissement pascalien. On pourrait dire, puisqu'on va arriver justement au XXe siècle et à la façon dont la mécanique quantique, notamment, achève en quelque sorte l'idée du vide, mais on peut dire que les prémices de la pensée moderne du vide, c'est Newton, avec la fin de l'éther. Alors, ça, quand on parle d'éther, là encore, il ne faut pas dire de quel éther on parle, mais chez Newton, en fait, le vide, c'est assez simple, parce que le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide. Donc, chez Newton, qu'est-ce qu'il existe comme objet dans l'univers ? Ben, il y a l'espace, le temps et la matière qui s'incarne sous forme de corps matériel. Donc, le vide, c'est ce qui reste quand on a enlevé les corps matériels, c'est-à-dire qu'il reste l'espace sans rien et le temps. Et ce vide idéalisé n'existe pas, puisque pour le réaliser, il faudrait éliminer absolument tous les atomes présents dans l'espace. Et puis même si on l'avait fait, et si le volume en question est maintenu dans une enceinte, il faut refroidir l'enceinte à 0 degré Kelvin pour éviter le rayonnement. Et puis même si on faisait ça, il resterait le fond diffus cosmologique. Et donc ce vide idéalisé est une référence, mais il n'existe en aucun point de l'univers. Quand tout s'arrête, on continue. j'ai bien fini par te connaître. Avec cette difficulté d'être, il m'aurait mieux fallu peut-être ne jamais naître. Toi, toi qui me reçois 7 sur 7, tu vois pas que je ne suis pas bien dans ma tête. Jane Birkin, être ou ne pas naître sur France Culture à 16h30 dans la méthode scientifique. Pourquoi Jane Birkin ? Eh bien parce que qu'y a-t-il après le non-être ? Est-ce le néant quand tout s'arrête, Étienne Klein ? Ce sont évidemment des mots de Gainsbourg. Oui. Je sais pas. Non mais c'est rigolo parce que quand Parménide dit ce truc qu'on a appris à l'école 1000 fois, l'être est, le non-être n'est pas, il suppose que l'univers n'a pas d'origine. C'est-à-dire ? Il y a toujours de l'être. Mm. Or, l'origine de l'univers, c'est la transition entre le non-être et l'être. Comme il n'y a pas de non-être, il n'y a pas d'origine. C'est ce que dit Parménide. Mm. Mais alors, quelle différence, justement, on peut faire entre le vide, le néant, l'être, le non-être, tout ça ? Est-ce que ce sont différentes facettes d'une même réalité physique ou est-ce que ce sont différents objets définis par différents signifiés ? Bah, pour ce qui est du néant, je vais donner ma langue au chat, puisque, au chat de Schrödinger, si on peut dire, puisque le néant, comme l'ont dit beaucoup d'auteurs, notamment Bergson, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. C'est que dès que vous commencez à penser au néant, en fait, vous le figurez. Vous lui attribuez l'air de rien, une dimensionnalité, une substantialité, une matérialité qui en fait quelque chose qu'il ne peut pas être, puisqu'il est le néant. Et donc le néant, c'est une idée qu'on peut penser, mais à condition de ne pas y penser. Donc le vide, c'est autre chose. Et le vide, encore une fois, à partir du moment où on a montré son existence, en tout cas celle d'un certain vide, eh bien, il faut prendre une théorie de référence, dire, voir ce qu'elle dit qui existe, voir ce qu'on peut enlever, et ce qui restera, c'est le vide. Dans le livre, je cite un travail de Picasso qui m'a beaucoup intéressé. À la fin de l'année 1945, Picasso a peint un taureau. Un taureau plein avec beaucoup de chair, avec une figuration qui est très très réaliste. Puis une semaine plus tard, il a peint un deuxième taureau avec un peu moins de chair, avec des traits plus épurés, puis etc. Il en a peint au total 12. Et à la fin, il y a un simple dessin avec des traits curvilignes, une petite dizaine de traits. Et il suffit d'enlever l'un de ces traits pour qu'on ne reconnaisse plus qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, il a montré ce qu'on pourrait appeler l'essence même du taureau. Par soustraction. Par soustraction, par évidement progressif, en faisant une sorte d'épure. Et bien, cette figuration du vide du taureau, on pourrait dire, c'est une bonne façon de comprendre comment la physique envisage le vide aujourd'hui, par épuration. J'ai d'ailleurs été traumatisé il y a quelques minutes, Étienne Klein, en cherchant des anagrammes, évidemment, puisque je vous recevais. Vous connaissez l'anagramme de Pablo Picasso ? Alors, c'est le nom d'un chanteur, ouais, Pascal Obispo. Ouais, mais c'est plutôt l'inverse, alors. Ouais. On va dire ça. Bon, nous discutons. Nicolas Martin, ça fait citron malsain. Oui, ça me colle au teint. À mon teint jaune. Et un peu acide. À 16h33, nous discutons donc du vide avec Étienne Klein pour la parution de ce qui est sans être tout à fait essai sur le vide chez Actes Sud. J'aimerais qu'on fasse un saut jusqu'au 20e siècle, Étienne, où vous expliquez en très résumé, et je vais vous laisser détailler ça, qu'avec la relativité générale, le vide devient finalement un état particulier d'une entité qui serait une entité espace-temps matière. Bah, la relativité générale, c'est la théorie d'Einstein de la gravitation. Pour définir son vide, c'est assez compliqué parce que le contenu et le contenant sont imbriqués d'après les équations d'Einstein. Donc si on retire tout ce qui est, la matière, l'énergie, le rayonnement, il reste l'espace-temps, mais un espace-temps qui n'est plus déformé par ce qu'il contient. Est-ce qu'il a une métrique ? Est-ce qu'on doit le réduire au point qui constitue cet espace-temps sans métrique, ce qu'on appelle une variété nue ? Ou est-ce que c'est le néant ? Enfin, c'est pas très clair, d'autant plus qu'on peut y ajouter ce qu'on appelle une constante cosmologique. En plus, aujourd'hui, on parle d'énergie noire. Donc le vide de la relativité générale, il est pluriel, il est difficile à identifier. Et en tout cas, il n'a pas du tout la même structure que le vide quantique, ne serait-ce que parce que l'espace-temps de la physique quantique n'est pas du tout le même que celui de la relativité générale. Et alors ce vide quantique, justement, qui signe en quelque sorte la fin du vide, le vide quantique, c'est un vide qui n'est plus vide. Alors, il est non seulement plus vide, mais il est même très plein, si l'on en croit Dirac. Paul Dirac, c'est un physicien qui, dans les années 20, à la fin des années 20, a essayé d'écrire une équation qui soit à la fois quantique et relativiste pour pouvoir décrire des particules élémentaires donc qui vont très vite, qui vont presque à la vitesse de la lumière. Comme elles sont petites, elles relèvent de la physique quantique et comme elles vont très vite, elles relèvent de la relativité. Il a trouvé une équation, et quand il s'est agi d'interpréter le fait que cette équation avait pour solution des particules d'énergie négative, étrange chose, parce qu'une énergie pour une particule, c'est toujours positif, il a imaginé un vide, qu'il a appelé la mer de Dirac, enfin qu'on a appelé la mer de Dirac, qui est en fait complètement saturée. C'est des cases d'énergie négative, toutes remplies par un électron, il n'y a sur aucune case vide, et ce vide-là, très plein, lui a permis de prédire l'existence des antiparticules. De l'antimatière. De l'antimatière. Donc, on a là un modèle heuristique qui a été abandonné depuis, mais qui, dans l'histoire des idées, a été décisif, puisqu'une certaine image du vide plein a permis de prédire un partenaire pour chaque particule de même masse avec une charge électrique opposée, ce qu'on appelle son antiparticule. Et aujourd'hui, la conception que l'on a du vide quantique, c'est précisément un vide qui ne cesse d'être habité par ces couples particules-antiparticules. Alors la physique quantique vous dit que si vous enlevez toutes les particules, donc les électrons, les quarks, les photons, le rayonnement, ben il reste l'espace-temps, mais dans cet espace-temps reste aussi les champs quantiques par lesquels on décrit les états des particules, et ces champs ne peuvent pas être annulés. Même dans l'état de plus basse énergie, quand vous avez retiré la matière, il reste ces champs dans leur état fondamental d'énergie non nulle. Et donc on a un vide quantique qui est en fait rempli de ces champs qui correspondent à ce qu'on appelle des particules virtuelles. Donc elles n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment, mais si vous leur en donnez, alors elles pourront se matérialiser, et c'est ce qu'on fait quand on réalise des collisions de haute énergie au CERN ou ailleurs avec des protons ou d'autres particules de très haute énergie. C'est aussi ce qui se passe à l'horizon des événements d'un trou noir. Alors, à l'horizon des événements d'un trou noir, il y a des calculs de Hawking. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Quand on regarde ce qui se passe à l'horizon d'un trou noir, au bord d'un trou noir, et qu'on imagine que le vide quantique est là, alors des calculs faits par Hawking montrent qu'il doit y avoir une évaporation des trous noirs, c'est-à-dire des particules capables de s'échapper du trou noir et ainsi de démentir son appellation. Alors justement, ça nous amène imperceptiblement, mais certainement, à un effet qu'on appelle l'effet Casimir et à cette expérience qui a été réalisée en 1948 par Hendrik Casimir, qui a postulé que le vide, non seulement n'était, comme on vient de le dire, pas si vite que ça, mais qu'il pouvait même exercer une force. Antoine Beauchamp, vous êtes allé essayer de comprendre cette force du vide. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est Claude Aslangul qui est professeur émérite à Sorbonne Université et chercheur en physique théorique et mathématiques appliquées qui m'a parlé de cet effet Casimir. Il nous explique pourquoi, dans certaines conditions expérimentales, deux plaques qui se font face peuvent être attirées l'une par l'autre alors qu'aucune pression apparente n'est exercée sur l'une ou l'autre. Cela est dû aux fluctuations quantiques du vide et Claude Aslangul nous en explique le principe. Vous prenez deux plaques métalliques qui ne sont pas chargées électriquement, vous les mettez l'une en face de l'autre, et on s'aperçoit, alors ça c'est ce que Casimir a prévu théoriquement, les deux plaques s'attirent. Et donc c'est très énigmatique, parce qu'en réalité il n'y a rien, apparemment il n'y a rien, il n'y a que du vide entre les deux plaques. Alors c'est lui qui a montré qu'en fait c'était le résultat des fluctuations du vide du champ électromagnétique. Voilà, alors pour rentrer dans l'explication à proprement parler, il faut vraiment faire une théorie, s'appuyer sur ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui est une théorie enfin assez compliquée, hein, bien évidemment, puisque ça consiste à quantifier le rayonnement au même titre qu'on quantifie la matière. Hein. Donc c'est quand même, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Mais on peut comprendre un tout petit peu d'où ça vient néanmoins, à condition de réunir des idées, si vous voulez. Alors, la première idée, c'est de se souvenir que il y a ce qu'on appelait autrefois la dualité onde-corpuscule, c'est un peu vieillot, c'est l'idée qu'à la fois le champ électromagnétique et les particules de matière ont une versatilité, une bipolarité qui font qu'elles se comportent. Je dis pas tantôt comme une onde, tantôt comme une particule, parce qu'en réalité les deux aspects sont intrinsèquement liés. Schrödinger disait, on parle de dualité onde-corpuscule parce que on a dans la tête des concepts dont on n'arrive pas encore à se débarrasser, à proprement parler. Donc, si vous voulez, les objets quantiques sont extrêmement bizarres. Bon, en particulier le champ électromagnétique est composé notamment, enfin plutôt, on peut le voir comme composé de petits grains, hein, ce qu'Einstein a proposé en 1905, qu'on appelle les photons depuis 1926. Et ces photons tapent sur les plaques. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme un gaz qui taperait sur un piston. Donc ça crée une pression. Alors vous vous dites, bon très bien, chaque plaque donc métallique est soumise à un certain rayonnement, donc il y a une force qui va s'exercer sur elle parce qu'elle est bombardée par les photons. Alors vous dites très bien, elle bouge pas. Non, certes, elle ne bouge pas parce que bon, l'effet est tout petit, hein, de toute façon. Mais ce qui se passe, c'est la chose suivante. Quand elle est toute seule, Il y a autant de photons que d'un côté que de l'autre, il ne se passe absolument rien. Si vous mettez en face deux plaques métalliques, alors là, il faut aller chercher les équations de Maxwell, qui n'ont rien de quantique. Hein. C'est quand vous prenez les équations de Maxwell que vous dites, voilà, le champ est enfermé dans une géométrie définie par les deux plaques en question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'aperçoit qu'il y a des... Tous les photons ne sont pas autorisés. Seuls certains photons, en fait, ceux dont la longueur d'onde est telle qu'un multiple de la longueur d'onde est égal à la distance géométrique entre les plaques, seuls ces photons-là sont autorisés entre les deux plaques. Alors, en conséquence, ça veut dire quoi? Si je prends une seule plaque, il n'y a pas de contrainte. Si je prends deux plaques, à l'extérieur des deux plaques, il n'y a pas de contrainte. Donc, il y a tous les photons possibles. En revanche, entre les plaques, vous avez cette contrainte qui fait que les deux plaques s'attirent. C'est ça qui est assez mystérieux. Alors, on peut le calculer, bien évidemment. Ça a été calculé par Casimir au tout début. Et ça a été vérifié par la suite à plusieurs reprises. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, tout se passe comme s'il y avait donc une attraction entre les deux plaques, mais l'effet est minuscule. Hein. À peu près, la pression qui s'exerce sur chaque plaque est un 10 000 000ième de la pression atmosphérique. Donc il n'y a rien de spectaculaire. Non, il n'y a rien de spectaculaire, d'une part, et d'autre part, ça veut dire que si on veut le vérifier expérimentalement, l'expérience va être très difficile. Donc il y a eu une première série d'expériences qui ne permettaient pas de conclure. On ne trouvait pas de contradiction avec ce que disait Casimir, mais quantitativement, on n'était pas capable de vérifier vraiment la formule de Casimir. Par la suite, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites et on vérifie Casimir, la formule de Casimir à 1% près pour fixer les idées. Donc c'est un effet qui, non seulement c'est remarquable, ça a été prévu théoriquement et ça a été confirmé expérimentalement par la suite. Est-ce que ce genre d'expérience et de preuve d'un effet des fluctuations du vide quantique, ça remet en cause et ça a remis en cause notre conception du vide ? Pas du tout. Ça a donné un nouvel éclairage, hein, parce que le vide, c'est une notion qui est très difficile à définir, en définitive. Hein. Intuitivement, on se dit, c'est quand je prends un récipient, il y a du gaz, puis je pompe tout le... Mais en fait, c'est pas seulement ça. Et alors, une chose que je n'ai pas dite, et qui est tout à fait remarquable, c'est que le champ électromagnétique, donc, dans son état fondamental, a des fluctuations. Exactement comme un pendule que vous faites osciller, puis vous le laissez s'arrêter parce que ça frotte dans l'air, et vous avez l'impression qu'il est au repos. En fait, non. Si vous regardez de très près, vous voyez que le pendule oscille un tout petit peu. Donc, dans cet état qu'on appelle l'état fondamental du pendule, il bouge pas. À première vue, en moyenne, il se passe rien. Mais en réalité, il bouge un tout petit peu à cause des chocs des molécules d'air sur le pendule. Pour le champ électromagnétique, c'est pareil, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans son état fondamental, le champ est nul, mais c'est seulement en moyenne. Il y a des fluctuations, qu'on appelle les fluctuations du vide, et qu'on décrit en images comme des émissions et absorptions spontanées de photons par le champ dans son état fondamental. Donc c'est en fait une nouvelle image du vide à laquelle évidemment la physique classique n'avait jamais pensé, bien évidemment. Donc c'est pas une nouvelle définition du vide, c'est simplement quelque chose qui montre que le vide, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué. Et que là où on pense qu'il n'y a rien, il y a plein de choses. Claude Aslangul, là où on pense qu'il n'y a rien, il y a plein de choses. Finalement, ce ne serait pas ça la meilleure définition du vide ? Reconnaissez qu'elle n'est pas très précise. elle est un peu vague, certes. On peut jouer avec les mots, dire que le vide est plein, en effet, mais alors qu'est-ce qui le distingue du reste ? Un mot sur cet effet Casimir et sur la conception extrêmement fine aujourd'hui. Bien expliqué, Claude, que je connais bien, a très bien expliqué le phénomène. En fait, ça revient à dire que quand on met deux plaques dans le vide quantique, le fait que le champ électrique doit être nul à la surface de ces plaques fait qu'il y a certaines ondes électromagnétiques entre les deux plaques qui sont interdites, qui ne peuvent pas exister, alors qu'elles peuvent exister à l'extérieur des plaques, ce qui crée une pression qui les pousse l'une vers l'autre. Donc c'est pas une attraction, mais plutôt elles sont poussées par l'environnement l'une vers l'autre. Et cet effet a été mesuré d'une façon qui confirme les calculs de Casimir, ce qui veut dire que notre description du vide quantique a l'air d'être confirmée par les tests expérimentaux les plus précis. Mais et finalement, Étienne Klein, est-ce que la physique contemporaine ne nous dit pas que le vide simplement n'existe pas ? Est-ce que c'est une fiction, un pur concept ? En fait, là, c'est un état fondamental, c'est-à-dire vous ne pouvez pas extraire d'énergie de ce vide-là. Donc il est plein de trucs, mais ces trucs ne peuvent pas être ôtés. Donc c'est quand même un vide au sens où il peut pas être vidé. Oui, mais ça reste. Il est plein. Il est plein, mais il peut pas être vidé. Donc ça reste un concept paradoxal, finalement, un concept qui n'est plus opérant, le concept de vide. Absolument. Le vide, en fait, c'est les vider. C'est seulement ça, mais c'est quelque chose. Et puis surtout, d'autant plus que la cosmologie contemporaine nous dit que ce vide a maintenant une énergie. C'est pas la cosmologie, c'est la physique quantique. La physique quantique. Qui dit que cette énergie, la cosmologie quantique, énorme, elle était, non, la physique quantique toute seule dit que le vide quantique a une énergie qui est très très grande. Et les tests cosmologiques qui permettraient de voir l'effet de cette énergie colossale du vide qui est partout présent sur des grandes structures est invisible. Donc il y a une sorte de contradiction énorme entre la valeur du vide quantique telle qu'on peut la calculer avec la physique quantique et telle qu'on la mesure par des mesures astrophysiques. Et c'est une façon assez radicale de dire que notre façon de comprendre l'infiniment grand ne s'appuie pas sur notre façon de comprendre l'infiniment petit. Mmh. Ça, cette dichotomie-là, elle est assez classique aujourd'hui dans la physique telle qu'on la connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que cette énergie du vide aujourd'hui, c'est un candidat à l'explication des deux tiers du contenu de l'univers. Alors ça, c'est une grande question. Il y a ce problème de l'énergie noire. Voilà. L'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet de ce qu'on appelle l'énergie noire, dont on ne connaît pas la nature, mais il y a plein de candidats possibles. Il y a par exemple la constante cosmologique, qui est une possibilité qui avait été envisagée par Einstein pour d'autres raisons, mais dont certains pensent qu'elle est un candidat naturel pour être cette force qui écarte l'espace de lui-même et provoque une accélération de l'expansion de l'univers. D'autres disent, mais c'est le vide quantique, sauf que le vide quantique, en relativité générale, il n'a pas de statut. Donc on transporte un concept de la physique quantique dans un champ théorique dans lequel il n'existe pas. Donc c'est une sorte d'exportation de concept qui est pas forcément légitime. En tout cas, il y a un problème, une sorte de défi, si vous voulez, en physique aujourd'hui, qui est que il y a une sorte de contradiction entre ce que disent les équations d'Einstein de la gravitation et certaines mesures. Par exemple, la dynamique des galaxies, elle est conforme à ce que disent les équations d'Einstein, à condition de mettre dans ces équations beaucoup plus de masse que celle que nous observons. Et pareil pour l'expansion de l'univers, il y a un phénomène là qui n'était pas directement déductible des équations d'Einstein. Et donc il y a deux façons de réagir. Soit vous dites, il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord entre ce que prévoient les équations et ce qu'on observe par des télescopes, par exemple, en l'occurrence sur la dynamique des galaxies, ou bien vous dites que les théories que vous utilisez sont fausses. Donc soit c'est une solution ontologique, on ajoute quelque chose dans l'univers pour résoudre la contradiction, soit on change les lois pour qu'il n'y ait plus de contradiction. Et cette tension-là, elle parcourt toute l'histoire de la physique, et en l'occurrence, elle se manifeste aujourd'hui quand on parle de matière noire ou d'énergie noire. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut vraiment accepter et intégrer cette polysémie du mot vide entre le vide cosmologique, le vide de la relativité générale, le vide einsteinien et le vide quantique. Disons que ce sont finalement deux occurrences, deux signifiés différents pour un même signifiant. Voilà, il faut faire comme on l'a fait avec le temps pendant une certaine période. On attribue des qualificatifs, autant on dit qu'il y a un temps biologique, un temps physique, un temps cosmologique, un temps de ceci, un temps de cela. Ce qui d'ailleurs, par prolifération, conduit à penser que le temps n'est pas un concept intéressant. Parce que s'il ressemble au phénomène temporel, s'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels, est-ce que le concept de temps a encore un sens? Ou est-ce qu'il faut pas plutôt se retrancher à étudier simplement des temporalités? Mais en l'occurrence, il y a plusieurs vides qui cohabitent, donc il faut les qualifier. Il y a un vide quantique, il y a un vide cosmologique, il y a un vide intersidéral, par exemple, ce sont pas les mêmes. Et tant qu'on n'a pas unifié la physique, il est bon de les distinguer dans le langage. Le vide cosmologique, aujourd'hui, on peut s'accorder à dire que c'est cet espace qui, a priori, ne contient pas de matière baryonique, mais qui peut contenir du rayonnement, qui peut contenir quelques photons éventuellement. On est quand même d'accord pour dire que c'est le vide qui existe. Voilà, c'est un espace qui n'est pas vide. Dans le livre, je parle des alpinistes, que je connais bien, et eux, ils parlent du vide. Ils l'appellent le gaz, souvent, mais quand il s'agit de tomber, on dit tomber dans le vide. Et le vide dans lequel on peut tomber quand on est alpiniste, paradoxalement, c'est un vide qui est beaucoup moins vide en dessous qu'il est vide au-dessus. Mais comme on ne peut pas tomber en hauteur, on appelle vide en fait ce qui est polarisé par la gravitation. Vous avez peur du vide, Étienne Klein ? Mais je ne crois pas, quand je suis assuré en tout cas. En alpinisme. On arrive dans les dernières minutes de cette émission, mais on ne va pas se quitter comme ça, puisque il y a quelqu'un que vous connaissez bien, une voix que vous allez reconnaître, évidemment, qui a une question à vous poser. Tout ce qui est haut en altitude ou en énergie doit tomber. Or, le vide, c'est l'état de plus basse énergie que l'on puisse imaginer dans ce monde, dans l'univers. Tout ce qui est plus haut en énergie est qualifié de faux vide ou de haut vide. Donc le vide est le très bas en énergie et c'est la forme définitive et éternelle. Donc la question que je pose à Étienne est la suivante. Qui chantera les métamorphoses de ces hauts vides? Étienne Klein. Qui chantera les métamorphoses du vide, d'eau vide? Ben c'est Michel Cassé lui-même. Évidemment. Puisqu'il a écrit quelque part que la physique d'aujourd'hui était monnayeuse de vide. Il a très bien écrit, d'ailleurs je le cite dans le livre, que la physique fait habiter, cohabiter de façon douloureuse des vides différents et que le vide quantique pose la question de savoir s'il gravite ou pas. Est-ce que le vide quantique, avec son énergie, est soumis à la gravitation ou pas? En gravitation einsteinienne, l'énergie, c'est comme de la masse, donc ça gravite. Et est-ce que le vide quantique gravite? Eh bien, celui qui saura répondre à cette question méritera d'être invité à boire un café avec Michel Cassé. Et sur cette question plus directe de Michel Cassé, sur ces métamorphoses du haut vide? Bah, disons que... Il y a des théories qui disent que l'univers est instable parce que la masse du boson de Higgs est telle que ça rend le vide quantique instable. Donc si on les prend au sérieux, ça veut dire que l'état dans lequel nous sommes n'est pas un état d'équilibre et que l'univers pourrait basculer dans une autre configuration. Et il semblerait que nous le sentirions passer. À quoi ça nous amène finalement? À quoi déjà vous, ces réflexions, ce parcours de l'histoire des sciences, cette tentative de définition de ces vides différents, de ces vides si différents que peuvent être les vides que décrivent aujourd'hui les différentes branches de la physique contemporaine, quelle est la conclusion? Est-ce qu'on peut arriver à une conclusion? Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a effectivement ces vides que vous évoquiez, qui sont des vides irréconciliables et en même temps qui partagent encore une dimension insignifiée commun. Moi, je pense que les physiciens seront tous d'accord avec les conclusions de l'ouvrage. Simplement, quand on change de sujet, on est amené à lire d'autres textes que ceux qu'on a l'habitude de fréquenter. Et en l'occurrence, j'ai découvert des textes du XVIIe siècle, par exemple, de Blaise Pascal, de Galilée, qui m'ont paru, que je connaissais pas, qui m'ont paru absolument géniaux. Et donc, ça a changé mon regard sur certaines époques de la physique. Quand, par exemple, Galilée, tout début du XVIe siècle, a l'intuition que dans le vide, qu'il existe ou pas, c'est pas la question qui l'intéressait a priori, les lois du mouvement se donneraient ou se laisseraient voir de façon beaucoup plus simple. Il a accompli là une sorte de geste, si vous voulez, qui va lui permettre de trouver la loi de la chute des corps. Et par la suite, il va pouvoir contribuer à la démonstration de l'existence physique du vide grâce à un problème technique rencontré, enfin en apparence technique, rencontré par les fontainiers de la ville de Florence en 1640. Il était assigné à résidence tout près de là et c'est les fontainiers de la ville de Florence n'arrivaient pas à pomper de l'eau au-delà de 18 coudées de hauteur, ça fait à peu près 10 mètres. Ils ont essayé de réparer les pompes, de changer les tuyaux, etc. Et il y avait toujours cette limite de 18, de 10 mètres. Ils ont écrit à Galilée une lettre expliquant leur problème et c'est en lisant cette lettre, ou plutôt en demandant à son assistant de la lire puisqu'il était déjà devenu aveugle, que Galilée a démontré que leur problème prouvait que la nature n'a pas horreur du vide. Vous avez longtemps arpenté, pas seulement les flancs des montagnes, mais le temps, Étienne Klein, aujourd'hui. Est-ce qu'on arpente le vide comme on arpente le temps? Qu'est-ce que ça vous amène J'ai trouvé que le vide, c'était plus simple, parce que le problème du temps, c'est le problème du moteur du temps. Allier le fait que le temps ne change pas à mesure qu'il passe, et le fait qu'il a quand même une dynamique qui fait que chaque instant présent se renouvelle. Donc il y a à la fois de l'invariance et de la dynamique, c'est difficile à penser ensemble. Alors que le vide, on peut l'aborder comme s'il était statique, même s'il n'est pas tout à fait, mais il m'a semblé que le vide était une notion plus simple à éclaircir, je dis pas à résoudre, que le temps. Et ça veut dire que, comme le temps, vous allez continuer à arpenter ce vide? Est-ce qu'il y a encore des choses à en dire, à en écrire? Est-ce qu'il y a encore des jeux à en tirer? Ou est-ce que... Certainement, mais je suis pas sûr de m'en charger. Non, c'est le prochain mot qui risque de m'intéresser de près, c'est le mot expliquer. Pourquoi ça? Mais parce que j'entends des gens qui expliquent dans les séminaires de physique, de biologie. Et il me semble que quand un physicien explique, il n'utilise pas les mêmes méthodes, les mêmes références, les mêmes façons d'expliquer qu'un biologiste. Et donc, que veut dire expliquer dans les différents champs de la connaissance? Et quelles sont les bonnes méthodes pour expliquer quelque chose à quelqu'un? Donc la pédagogie. puisque je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que la vulgarisation bien faite, ça reste un défi pour nous tous, et que la bonne façon de transmettre ce que nous avons pu expliquer par la science mérite qu'on comprenne un peu mieux comment les explications qui sont diffusées sont déformées, reprises, et comment on peut engendrer des malentendus alors qu'on a pensé au départ dire des choses de façon claire. C'est-à-dire finalement une réflexion sur nos propres biais en tant que vulgarisateurs. Oui, les biais que nous émettons et puis les biais de ceux qui reçoivent. Et ça veut dire que votre exploration de ces grands concept de ces grandes notions que sont le temps, le vide. Moi, je m'attendais à l'espace, par exemple, puisque c'est ce que vous disiez au début, dans ces choses très. Est-ce que c'est ce que ça vous intéresse pas, c'est pas. Non, je crois que l'espace, c'est l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un peu. Enfin, le vide, c'est un peu une discussion sur l'espace, puisque, comme on l'a dit, le vide ne peut pas être séparé d'une certaine spatialité. Donc, il a à voir avec l'espace. Mais il ne se réduit pas forcément à l'espace, comme dans le cas du vide quantique qu'on a évoqué. Donc l'espace, ça veut dire que c'est une notion moins intéressante ou c'est une notion finalement que vous avez traitée en filigrane de vos approches du temps et du vide. Et je ne vais pas l'affronter brutalement, je pense. Pourquoi ? Trop difficile. C'est trop difficile ? La topologie, c'est trop difficile et en physique, l'espace ne peut pas se penser. Si on est dans un cadre relativiste en dehors de l'espace-temps, et pour le coup, je crois l'avoir fait dans la mesure de mes moyens, en traitant la question du temps. Un mot sur la conversation scientifique. Samedi, quel est le programme ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, l'émission qui va être diffusée demain s'intitule « Peut-on être cyclosophe ?» C'est samedi, demain c'est vendredi. Ah pardon, alors samedi le 5, c'est « Peut-on être cyclosophe ?» Qu'est-ce que c'est que cyclosophe ? La question c'est, est-ce qu'on peut être deux choses à la fois ? Est-ce qu'on peut être littéraire et scientifique, est-ce qu'on peut être ovipare et mammifère, est-ce qu'on peut être droitier et gaucher, est-ce qu'on peut être, etc. Et la question en l'occurrence, c'est est-ce qu'on peut être coureur cycliste professionnel et philosophe, ou avoir suivi des études de philosophie. Quelle sera votre réponse? La réponse est oui, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé une sorte de monotrème qui s'appelle Guillaume Martin, comme vous, qui a terminé 12e du Tour de France, et qui a écrit un livre de philosophie qui s'appelle Socrate à vélo. Est-ce qu'on peut être physicien, vulgarisateur et alpiniste ? Oui, en étant vraiment ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup Étienne. Étienne Klein, ce qui est sans être tout à fait, et c'est sur le vide, c'est chez Actes Sud. Vous l'aurez compris, c'est un parcours absolument passionnant de cette conception du vide à travers l'histoire des sciences, avec l'esprit du camarade Étienne Klein à l'œuvre derrière tout cela. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Vanessa Nadjar aujourd'hui à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, eh bien pour nous, ce sera un vendredi fiction. Après le rassemblement qui devait réunir plusieurs millions de personnes et qui s'est soldé par un maigre groupe de 150 Pékin, nous irons à notre tour faire le guet devant la zone 51 et nous parlerons de l'événement de Roswell adapté dans la science-fiction. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.